Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a rendu public le 10 juillet une communication qui note, entre autres, ces jours-ci, les Sud-Coréens, notamment ouvriers, paysans, jeunes, étudiants et femmes ménagères, s'engagent farouchement pour le démantèlement du Parti de la Corée libre, groupe des pro-américains et pro-japonais, et bande des traîtres à la nation qui suscite la crise de guerre par la confrontation fratricide extrême. Cette lutte de différents milieux sud-coréens est très juste, car elle vise à liquider parfaitement le servilisme pro-américain, la confrontation fratricide et la dictature fasciste qui sont l'entrave de la société sud-coréenne et le foyer des malheurs et souffrances pour réaliser à coup sûr l'indépendance, la justice et la démocratie. En fait, le Parti de la Corée libre est la pire bande des traîtres qui se sont démenés pour la résurrection de la dictature rénovée, la répression fasciste, la corruption, la politique antipopulaire, le servilisme pro-américain et la confrontation fratricide sous la protection de la traîtresse Bakounet, rebut humain, pour ainsi commettre tous les crimes contre la nation. Il a témoigné de l'hostilité extrême contre les compatriotes, dénié intégralement les historiques déclarations communes Nord-Sud soutenues par toute la nation, contrecarré complètement leur application et précipité les relations intercoréennes dans la pire catastrophe sans précédent. Aujourd'hui encore, la bande de ce parti se montre active à la disposition de SAD des États-Unis qui précipitera la nation coréenne au désastre nucléaire en qualifiant ses compatriotes d'ennemis principaux d'une part et d'autre part étiquette les formations progressistes attachées à la réunification indépendante comme formations favorables à l'ennemi à l'encontre du courant de l'époque. Le Parti pour la Corée libre est effectivement le premier objet de la liquidation des abus puisqu'il est constitué des voyous d'extrême droite qui taxaient de dépendance au nord les manifestants qui portaient la bougie en signe de la résistance pour la justice et la vérité, pour commettre des crimes, provoquer des troubles de toutes sortes et protéger la traîtrise de Bakounet. Si on laisse tel quel les survivants conservateurs d'extrême droite, surtout le Parti de la Corée libre, habitués à la confrontation fratricide, à la dictature fasciste et à la servilité aux Américains, la réconciliation, l'unité et la réunification véritable de la nation sont impossibles sans parler de l'indépendance et de la démocratisation de la société sud-coréenne. Toutes les couches sud-coréennes doivent savoir que lorsqu'elles abandonnent au nom de l'histoire le Parti pour la Corée libre, le pire abus de Bakounet et foyer de tous les maux sociaux, elles peuvent remporter la vraie victoire de la lutte à la bougie et dynamiser vigoureusement la lutte pour la dissolution du Parti pour la Corée libre.